de village en village dans le monde sauvage. Va faire ton marché, des quêtes inaccomplies. Redécouvre ton passé dans le tarot de l'oubli. La forêt, ses mystères, la vie qui dort sous la terre, les ruines des châteaux de pierre, les renards des clairières, l'or des lacs et des rivières, la mémoire des ornières et les souvenirs d'hier. Avec tes compagnons, armés de leurs bâtons et de leurs baluchons, si tu parcours l'ancien monde, tu trouveras des réponses. Oh, marche, marche, marche. Marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, branche. Oh.